بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوة الإسلام، تبين لنا من المقدمة بعد صلاة العصر أن فهم الصحابة حتم لازم علينا، وأنه يجب علينا أن نفهم هذا الدين ونطبق معالم هذا الدين بفهم أولئك الخيار وبتطبيقهم. ومن هنا لا بد، كيف نتعلم كيف فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، كيف نتعلم كيف طبقوه، إلا بالرجوع إلى حياتهم رضوان الله عليهم، إلا بالرجوع والتضلع في تراجمهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأولئك ترجموا كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياتهم. فرنا الله عز وجل nous a parlé après le cours de après salat al-asr que la compréhension de cette religion il est obligatoire qu'il soit conforme à la compréhension des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut revenir à cette compréhension pour pouvoir appliquer cette religion comme Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, comme le veut de nous Allah azza wa jal, pour ne pas dévier. Et comment on peut y arriver? C'est tout simplement en se penchant sur la vie de ces puisards d'Allah alayhim, sur leurs croyances, comment ils étaient dans leur comportement, dans leur mise en application de cette religion. لأن الخطأ في الفهم هذا أمره أمر عظيم، وما ضل من ضل إلا من تنكب عن فهم أولئك الخيار. Le fait de ne pas bien comprendre cette religion ou là de faire des erreurs dans la compréhension de cette religion, c'est énorme, c'est l'égarement total. Et tous ceux qui ont dévié et qui se sont égarés dans la communauté, ils sont tombés dans l'égarement tout simplement parce qu'ils étaient loin de la compréhension du puiser d'Allah. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الصدد سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، بل هو أصل الأخطاء في الأصول والفروع رحمة الله عليه. ابن القيم رحمة الله عليه de nous montrer l'importance de la compréhension de la religion. Et il dit la mauvaise compréhension, le fait de pas bien comprendre ce que veut Allah Azza wa Jal de nous et de pas comprendre comme il se doit la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est l'origine de toute innovation et de tout égarement qui est arrivé à l'aube de l'islam. Et une fois que Muhammad alayhi salatu wassalam est mort, une fois que la période des générations qui ont reçu l'éloge minallah et de son prophète alayhi salatu wassalam est terminée, ces déviations et cet égarement est arrivé justement parce qu'ils ont mal compris l'islam, ils n'ont pas pris la compréhension du puiser d'Allah alayhi. Donc Ibn al-Qayyim de nous dire toute innovation, tout égarement qui est arrivé dans l'islam, il est arrivé tout simplement par la mauvaise compréhension ce que veut de nous Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, rahmatullah alayh, l'origine de toute erreur, que ce soit dans les fondements ou là dans les branches de cette religion, que ce soit dans les fondements ou dans les détails, bah, l'origine c'est tout simplement la mauvaise compréhension de cette religion. كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى علينا أن نرجع إلى ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ورأس أولئكم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسهم وأفضلهم وخيرهم بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه. Et pour qu'on arrive à cette compréhension, il faut que nous revenions, que nous penchons sur la vie de nos plus aïeux رضوان الله عليهم. Ils sont les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. À la tête de ces plus aïeux, il y a les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et à leur tête, يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ici avec lui qu'on va commencer cette série de cours inshallah. فيقول ربنا جل وعلا عن أولئك الخيار الذين اختارهم لصحبة نبيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله سبحانه وتعالى pour nous montrer la valeur de ces nobles hommes qu'il a choisi pour accompagner son messager alayhi salatu salam. Il est dit dans surat les coalisés et les décroyants hommes qui étaient véridiques dans le pacte qu'ils ont fait avec Allah Azza wa Jal. Certains parmi eux sont arrivés à leur terme. Ils ont fait leurs efforts dans cette religion. Certains parmi eux sont morts sur le sentier d'Allah Azza wa Jal et d'autres attendent. Ils n'ont rien changé. Ils avaient cette caractéristique. Ils étaient véridiques dans leur pacte avec Allah Azza wa Jal. Ils n'ont rien changé. Rien changé de la religion d'Allah Azza wa Jal et des enseignements de Mohammed alayhi salatu salam. فالآن مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وأبوه أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. فأفك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يسابلي عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي القريشيت لتميميت التميمي. إيه السوريوني dans son arbre généalogique avec le prophète alayhi salatu salam, dans son arrière-grand-père qui s'appelait Murra ibn Ka'b. À Murra ibn Ka'b, il y a l'union entre lui et le prophète alayhi salatu salam. Son père, le surnom de son père, il s'appelait Abu Qahafa Uthman ibn Amir ibn Amr. Wa ummuhu radiyallahu anha ummu al-khayr Salma bint Sakhr ibn Amir ibn Ammi Abih. Et sa mère, il s'appelle Umm al-khayr سلمى بنت صخر بن عامر سي لا في دو سون اونكل سي لا في دو لونكل دو سون بير. كنيته رضي الله عنه وارضاه ابو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين وسته اشهر. اي سون سورنو سا كنيا رضي الله تعالى عنه وارضاه سابلي ابو بكر اي اليني 2 ans et 6 mois après l'événement mondial l'éléphant. C'est-à-dire 2 ans et 6 mois après le prophète alayhi salatu salam. Donc le prophète alayhi salatu salam, il est son aîné de 2 ans et 6 mois. Il est né 2 ans et 6 mois après l'événement mondial l'éléphant. Wa huwa awwal rajulin aslama. أول رجل أسلم وأسلم أبوه وأمه وزوجه وأولاده رضي الله عنهم جميعا. C'est le premier homme qui a embrassé l'islam. Son père s'est converti à l'islam. Sa mère aussi. Sa femme, ses enfants. Tous ils se sont convertis à l'islam رضي الله عنهم جميعا. فيكون حديثنا عن أبي بكر في هذه الليلة إن شاء الله في معتقد أهل السنة والجماعة في أبي بكر رضوان الله عليه. Donc ce soir la discussion va tourner autour des croyances des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna sur Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Nahu yanbaghi 'ala al-muslim an ya'taqid i'tiqadan jaziman la shakka fihi wa la rayb an afdal al-bashar ba'da al-anbiya'i wal-mursalin huwa Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. Il appartient, il est du devoir de tout croyant de croire une croyance irréfutable dans laquelle il n'y a aucun doute, aucun soupçon d'un doute, que le meilleur de l'humanité et le plus noble de l'humanité après les prophètes alayhi salam, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. C'est le meilleur de cette communauté après le messager d'Allah Azza wa Jal. Hada, ça doit être irréfutable, une croyance dans laquelle il n'y a aucun doute. Ça doit être ainsi. وقد جاءت الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين على أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو مبتدع خبيث زنديق رافضي. Et les preuves dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام sont nombreux pour nous prouver comme quoi Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda c'est le plus noble de cette communauté après Muhammad عليه الصلاة والسلام. Et celui qui croit autre chose que ça, ben c'est un innovateur impur. Et c'est un zindiq et un rafidi. فمن كتاب ربنا على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الصاحب في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. Donc, il a été l'ami du prophète عليه الصلاة والسلام dans la grotte quand ils sont sauvés pour émigrer vers Médine. Il était le compagnon de Mohammed عليه الصلاة والسلام dans la grotte. Dans Sourate Tauba, verset 20, il est dit, si vous le faites triompher, sinon Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait triompher. Si vous ne le faites pas triompher, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait triompher. Quand les associateurs l'ont sorti, quand ceux qui ont mécru l'ont sorti, alors qu'il était le deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte, quand il dit à son compagnon, ne sois pas attristé, Allah est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a couverts avec sa quiétude. Et il leur a donné la quiétude intérieure. Allah est avec nous. Ça veut dire qu'Allah nous fera triompher. Allah est avec nous. Il nous aide. Il sait où nous sommes. C'est lui qui va nous faire triompher. Ils ne pourront rien faire pour nous. Et les musulmans sont unanimes que ce qui est voulu dans ce verset, le deuxième de deux, le compagnon dont il s'agit ici, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, ataballahu al-muslimin kullahum fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Fa innahu kharaja min al-mu'ataba. Qala ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha kharajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fi al-ghar. Et Soufiane ibn Uyayna, rahmatullahi alayhi, de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala a reproché aux croyants, tous, leur position vis-à-vis du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sauf Abu Bakr Siddiq. Il sort de cette, c'est l'exception de ce reproche. Il n'a pas reçu, rien lui a été reproché. Allah subhanahu wa ta'ala a reproché aux compagnons, pas Abu Bakr Siddiq. Parce que dans le verset, il est dit, où vous allez le faire triompher, sinon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a fait triompher. Quand les mécréants l'ont sorti alors qu'il était le deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte. Donc Abu Bakr Siddiq, c'est l'exception dans ce reproche. Ridwan Allah alayh. Wa qala Ibn Jarir rahimahullah ta'ala, wa innama 'ana Allah jalla thana'u bi qawli thani ithnain رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، لأنهما كان اللذين خرجا هاربين من قريش إذ هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفيا في الغار. وقوله إذ هما في الغار يقول إذ رسول الله وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار. وقوله إذ يقول لصاحبه، يقول إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لا تحزن، وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهما فجزع من ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا والله ناصرنا، فلن يعلم المشركون بنا ولن يصلوا إلينا. ابن جرير رحمة الله عليه الإمام دي زكجيجيت الله سبحانه وتعالى الكوفر دو سانت ميزيركورد ainsi que tous les savants de cette communauté, il dit ce qui est voulu dans ce verset, le deuxième de deux, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, car tous les deux ils sont sortis, se sont sauvés de Quraysh quand Quraysh voulait assassiner Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils se sont cachés dans la grotte. Et il dit quand, il dit dans le verset, quand ils sont dans la grotte, ça veut dire le prophète d'Allah azza wa jal et Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala. Et il dit quand il dit à son compagnon, quand il dit à son compagnon, il veut dire quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala, la tahzan, ne sois pas attristé. Qui le dit? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le dit à Abu Bakr al-Siddiq. Parce qu'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala a eu peur à un moment donné que ceux qui les cherchaient les voient. Ceux qui les cherchaient, qu'ils les voient dans la grotte. Et il a eu peur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sois pas attristé. Et qu'ils sachent là où ils sont. Il a eu très peur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit ne sois pas attristé. Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire triompher. Ils n'arriveront pas à nous. Ils ne pourront rien faire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait triompher. فالايه دلت دلاله واضحه على فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، حيث جعله الله ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل ثاني اثنين اذ هما في الغار، وما ذلك إلا لأن الصديق بلغ النهاية في الفضل رضي الله عنه وارضاه. Le verset te prouve, c'est une preuve irréfutable, une preuve claire de la place et de l'honneur qu'avait Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه وارضاه. Puisqu'il a été le deuxième avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Allah a fait qu'il soit le deuxième avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans la grotte. Et dans le verset que tout le monde citera jusqu'à la fin des temps, il est le deuxième des deux quand ils étaient dans la grotte. Tout ça te prouve la valeur et la place importante qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda. Qu'on déplaise à ceux qui l'insultent, qu'on déplaise à ceux qui le détestent, Allah subhanahu wa ta'ala les détestera. Et nous aussi on les déteste pour Allah azza wa jal. فهو الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. Et Abu Bakr Siddiq, sa deuxième qualité, c'est qu'il est le véridique, qui a pris tout ce que lui a annoncé le prophète عليه الصلاة والسلام, le prenait comme vérité. Il a cru au Rasul صلى الله عليه وسلم du début jusqu'à la fin. Donc tout ce qu'annonce le Rasul صلى الله عليه وسلم, même s'il n'est pas là, il dit si il l'a dit, c'est que c'est vrai. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أولئك هم المتقون. Il dit dans le verset dans sourate Zumar, et celui qui a ramené la vérité, qui Muhammad عليه الصلاة والسلام, et celui qui a cru en cette vérité, qui Abu Bakr الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه, ceux-là font partie de ceux qui préservent le droit d'Allah عز وجل. Cela, ce sont les muttaqoun. Rawa ibn Jarir rahimahullahu ta'ala bi isnadin ila Ali radiyallahu anhu wa ardah fi qawlihi walladhi jaa bis-sidq qala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa saddaqa bi qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah kayfa la wa Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah kana shi'aruhu da'iman ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam in kana Muhammadun qad qala dhalik faqad sadaq. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. Ibn Jarir, rahmatullah alayh, avec sa chaîne de transmission qui la remonte directement à Ali radiyallahu ta'ala anhu arda, il dit, celui qui a ramené la vérité, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et celui qui a annoncé cette vérité, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ça ne peut pas être autrement. C'est ainsi que ça doit être. Abu Bakr, son emblème, sa devise, c'était, si Muhammad a dit cette chose, c'est qu'il a dit vrai. Tout ce que dit Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est vrai, radiyallahu anhu arda. وهو الصالح سلوم فيرتيو بار اكسلنس قال تعالى وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير وان تظاهر عليه ان تتعاون عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين اي من اعوانه جبريل وصالح المؤمنين وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب كثير من المفسرين منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود وعبد الله بن عمر ومجاهد والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر donc il fait partie des vertueux et c'est le vertueux par excellence dans sourate Tahrim verset 4 Si vous vous réunissez contre lui, hein, contre le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala c'est son allié, ainsi que Jibril, il est vertueux parmi les croyants et les anges, hein, et rentre dans, en priorité dans les vertueux parmi les croyants, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Beaucoup d'exégètes vont de ce sens-là, et parmi lesquels le summum, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه مجاهد الضحاك ceux-là ils ont appris chez les compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام la compréhension ils l'ont directement de ceux qui l'avaient du prophète عليه الصلاة والسلام du coup ce qui est voulu dans ce verset par les vertueux parmi les croyants Abu Bakr wa Umar رضي الله عنه وارضاه ومن فضائله كذلك هو الذي يريد ما عند الله من الأجر والثواب فقط. في partie de ses vertus aussi, c'est que il voulait comme récompense que ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal, tout simplement. Il ne cherchait que l'agrément de Allah Azza wa Jal. Il ne cherchait que la récompense chez Allah Azza wa Jal. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ذكر ابن جرير الطبري رضي الله رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه dans le verset l'ail le soir et celui qui donne et qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal et qui prend comme véridique hein, la ilaha illallah nous allons lui faciliter le chemin Ibn Jarir al-Tabari rahmatullah alayhi dit ce verset a été descendu sur Abu Bakr, il concerne, il disait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda. Saddaqa bil husna. Faqad rawa bi isnadi ila Amir ibn Abdillah ibn Zubayr. Qala kana Abu Bakr ya'tiqu ala al-islami bi Mekka. Fakana ya'tiqu ajaiz wa nisa ida aslamna. Faqala lahu abuhu ay bunay. أراك تعتق أناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك قال أبو بكر أي أبتي إنما أريد ما عند الله لا أريد من يدافع عني ولكن أريد الأجر عند الله أريد ما عند الله إيه لغابورتي avec par ابن جرير الطبري رحمة الله عليه avec sa chaîne de transmission qu'il a remonte à Amir ibn Abdillah ibn Zubayr, dit que Abu Bakr Siddiq libérait tous ceux qui étaient en esclavage, qui ont embrassé l'islam, parmi les personnes jasées, parmi les femmes, etc. Il les libérait, radiyallahu anhu arda. Son père l'a vu, il a dit, oh fiston, je vois que tu libères que les faibles. Si tu libères des personnes qui sont forts, des hommes forts, qui vont être avec toi, qui vont te défendre, et que tu trouveras à tes côtés. Abu Bakr Siddiq lui a dit, oh père, je veux ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal. Je ne cherche pas, disons, pour me défendre. Je cherche la récompense chez Allah Azza wa Jal. قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى ما أمر به من العبادات المالية، صدق بلا إله إلا الله، واتقى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المحرمات والمعاصي، نيسره لليسرى، نسهل عليه أمره. Et donc, Amr ibn Abdillah ibn Zubayr de nous dire, certains membres de ma famille, parce qu'il est de la lignée d'Abu Bakr Siddiq, hein? Certains membres de ma famille m'ont dit que ce verset est descendu, il concerne Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, celui qui donne et qui préserve les droits d'Allah, azza wa jal, et qui a cru en la ilaha illallah, hein? Et qui a qui s'est abstenu de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'abstenir, etc. et qui a rempli ses devoirs vis-à-vis d'Allah azza wa jal et vis-à-vis des autres et qui a dépensé sa fortune, etc. sur le sentier d'Allah azza wa jal. Il dit, hada le verset, il disait Abu Bakr, certains membres de la famille de Abu Bakr Siddiq disaient à Amir ibn Abdillah ibn Zubayr que ce verset, il est descendu, il a été révélé, il concerne Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa Allah. Kadhalika huwa al-athqa. الأتقى كي فيان من التقوى وهو التقي ها والتقوى سي لو فيت دو ميتر ان ابليكاسيون لي اوردر الله عز وجل افيك بروف اون اسبيرون لا ريكومبونس من الله لو فيت اوسي دو سابستونير دي انتيردي الله عز وجل افيك بروف اون ايون بور دو جاتيمون الله عز وجل هذا التقوى والأتقى سي دير سيلوي كي او سوم دو فيت دو بريزيرفي لي دروات الله عز وجل اي ها de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وسيجنبها الأتقى الذي كان قصده تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب وما لأحد أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة إلا ما إلا ما كافأه به. Et ce verset aussi concerne encore, le verset qui suit, celui que vous venez de citer, concerne encore Abu Bakr Siddiq. Il va léviter celui qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal. Celui qui supurifie lui-même va éviter quoi? Va éviter tout ce qui va amener au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui va amener à la colère d'Allah Azza wa Jal. Hein? Tout ce qui est péché, etc. Et qui donne, qui s'acquitte, qui dépense sa fortune sur le châtiment d'Allah Azza wa Jal pour se purifier lui-même. Hein? Et il donne, il n'y a rien, il donne aux gens pour Allah Azza wa Jal. Et non pas pour quelque chose, non pas pour les récompenser pour quelque chose qu'ils lui ont fait. Là, il leur donne pour Allah Azza wa Jal. Ça, encore une fois, c'est un verset qui concerne أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه. هذه الآيات ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها لفظ عموم وهو قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وأنه في مقدمة هذه الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جواذا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Plus d'un, Ibn Kathir rahmatullah alayhi dit, plus d'un des exégètes du Coran dit ce que ces versets concernent Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Certains ont dit que ça, ont rapporté le consensus comme quoi ces versets concernent Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. il n'y a aucun doute qu'il y rentre en priorité. Même si le sens de ces versets est un sens général, mais il y rentre, lui, en priorité. Lui, le premier qui rentre dedans. De préserver les droits de Allah, Zawajal, de dépenser pour Allah, Zawajal, de dépenser pour faire triompher la religion de Allah, Zawajal, et pour faire triompher son messager, alayhi salatu wassalam, il était au devant dans tous ses actes. Donc, en priorité, il rentre dans ces versets qui sont qui concerne toute la communauté. Mais lui, il y rentre en priorité. Parce qu'il était au devant tout. Tous les nobles actes, le noble caractère, il les a réunis, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il prenait comme véridique. Chaque fois qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, il ne revenait pas dessus. Il la prenait comme vérité, même s'il ne l'a pas entendu directement du prophète, alayhi wa sallam. Il préservait les droits de Allah. Il était noble de caractère. Il était généreux. Il dépensait son argent pour faire triompher la religion de Allah et pour faire triompher le messager de Allah. ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادة والرؤساء من سائر القبائل. Combien d'argent, رضي الله تعالى عنه وارضاه, il a dépensé pour avoir la récompense من الله عز وجل. Non pas pour avoir autre chose, mais juste pour la récompense, pour avoir la récompense et l'agrément de الله عز وجل. Aucun homme, n'avait quelque chose, il ne devait rien à qui que ce soit. Ni il ne récompensait quelqu'un pour ce qu'il a fait, mais il dépensait pour Allah Azza wa Jal. Et c'est cette façon de faire, il l'a eu même avec les nobles des tribus. Il est grand. Ses contemporains qui étaient grands, il était généreux, il avait des positions avec eux. Il ne pouvait pas le récompenser pour ça. Certains n'ont jamais pu récompenser Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu par le bien qu'il leur a prodigué. ولهذا قال عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد عندي لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادة العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عذاهم ولهذا قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. C'est pour ça que Urwa ibn Mas'ud, alors qu'il était la haute personnalité de Thaqif, le jour de l'Hudaybiya, quand il est venu pour le pacte de réconciliation de l'Hudaybiya, et Abu Bakr Siddiq était sévère avec lui dans la parole. Il lui dit par Allah, si ce n'est pas ce bien que tu m'as prodigué et j'ai pas pu t'en récompenser, je t'aurais répondu. Ça, c'était la situation d'Abu Bakr Siddiq avec les grands des Arabes et avec les chefs de tribu. Qu'est-ce qu'il en est avec les autres? Ses positions avec les faibles étaient encore plus nombreuses. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dit que personne n'avait, quand il donnait pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas pour chercher une récompense que quelqu'un lui a prodiguée. Là, il donnait pour Allah Azza wa Jal. Pour avoir la récompense min Allah Azza wa Jal. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit l'agré. Kadhalika radiyallahu anhu, huwa al-waqqafu inda kitabillahi Azza wa Jal. Mada yaqulu al-muharrifuna al-kitabillah? Alladhina yubghiduna Aba Bakr radiyallahu anhu wa arda. Et il s'arrêtait devant la parole de l'Azzawaj. Il ne dépassait pas la parole de l'Azzawaj. Là où le texte l'arrête, il s'arrête. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ceux qui détestent Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ceux qui ont falsifié la parole de l'Azzawaj, parmi les rafida qu'Allah subhanahu wa ta'ala les coagule le sang dans leurs veines. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما انزل الله في براءته قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره. عائشة de nous rapporter cette histoire qui est arrivée avec l'un des proches pauvres de Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha de la calomnie que lui collaient les hypocrites sur le dos, il a dit comme Mastah faisait partie des proches d'Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq dépensait, lui donnait de l'argent pour qu'il arrive à subvenir à ses besoins. Il compte, lui, il est tombé dans le piège et il a calomnié sur Aïcha. Bah, quand il y a eu Allah subhanahu wa ta'ala innocenté Aïcha, Abu Bakr Siddiq, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je dépense, je ne donne plus rien à Mastah. فأنزل الله قوله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فكان موقف أبي بكر الصديق من هذه الآية أن قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه على مصطح وقال والله لا أنزعها منه أبدا. Regardez maintenant, il a coupé quand le verset de l'innocentement de Aïcha est arrivé. Il a coupé la dépense qu'il donnait à Mastah, qui était l'un de ses proches. Allah subhanahu wa ta'ala descend ce verset dans Sourate An-Nur, verset 22. Et qu'ils n'arrêtent pas ceux qui ont la fortune parmi vous, qui sont comblés du bienfait, qu'ils n'arrêtent pas à donner ce qu'ils donnent à leurs proches et aux pauvres, et à ceux qui ont immigré pour Allah, Azzawajal, et qu'ils pardonnent. Est-ce que vous ne voulez pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le clément pardonneur? Quand Abu Bakr Siddiq, il a entendu ce dit, il a dit, certes, j'aime que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Et il est revenu, il a remis la dépense qu'il donnait à Mestah, il lui a remis. Il a dit, je ne vais plus la retenir. C'est-à-dire, je vais lui donner jusqu'à la fin de ma vie. Regardez comment. Comment il est revenu. Lors de l'Allah, Azzawajal est venu. Le verset est descendu. Abu Bakr Siddiq a mis en application. Il s'arrêtait devant les textes. C'est pour ça que ce sont nos exemples, nos modèles. C'est eux que nous devons prendre devant les textes. Pas ceux qui mettent de côté nos textes. Parce qu'il ne va pas avec leur idéologie, ou là il ne va pas, il ne correspond pas à leur raison, ou là il ne correspond pas aux principes fondamentaux de leur tribu, ou là de ceci, ou là de cela, là il y a l'islam. Ha ou là, ceux-là, ça coûte ce que ça coûte, ils s'arrêtaient devant le texte. C'est eux les nobles exemples. C'est eux, c'est sur leur chemin qu'il y a l'agrément de Allah Azza wa Jal. On dora nta kayfa waqafa Abu Bakr Siddiq. عند هذه الآية فمن هنا تعلم لماذا اختارهم الله لصحبة نبيه ولماذا اختارهم لنصرة دينه ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم regarde immédite cette position de Abu Bakr Siddiq devant ce verset. Comment il l'a mis en application tout de suite? C'est de là où tu comprends pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi pour accompagner Mohammed alayhi salatu salam et pour faire triompher cette religion et pour faire triompher Mohammed alayhi salatu salam. Il a fait que les croyances ce sont les leurs, la compréhension c'est la leur, le comportement c'est le leur, hein, la mise en application c'est la leur, et que le chemin qui amène vers son agrément c'est leur chemin tout simplement. Thumma ba'da hadha ياتيك مبتدئ زنديق خبيث رافضي فيسب ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويسب صحابه رسول الله. يا بريسا arrive un impur, un zindiq, un rafidi khabith, il insulte Abu Bakr, il insulte les compagnons de Mohammed alayhi salam, alors que les insultes c'est à lui qu'ils doivent se diriger directement, c'est lui qui mérite l'insulte et non pas Abu Bakr Siddiq ني عمر ني عثمان ني وكان دي كومبانيون دو محمد عليه الصلاه والسلام. والادله من سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم على ان ابا بكر هو افضل هذه الامه بعد نبيها. Et voici maintenant les preuves comme quoi Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه وارضاه c'est le meilleur de la communauté, de cette communauté musulmane après Mohammed عليه الصلاه والسلام. فهذا أبو بكر الصديق شارك محمدا صلى الله عليه وسلم في معية الاختصاص إن الله معنا. هذا آية صريحة في مشاركة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعية التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا الصديق، ولم يشاركهم هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في هذه المعية. كان محمد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وأبو بكر الصديق في الغار، وهي تدل على أنه سبحانه وتعالى معهم بالنصر. هذه المعية معية النصر والتأييد والإعانة على عدوهم، وكان كذلك كما أراده الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق il a été associé dans cet accompagnement particulier d'Allah Azza wa Jal au prophète عليه الصلاة والسلام et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand dans le verset il est dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est avec nous. C'est-à-dire pas Allah est avec nous dans le trou, loin de là, mais Allah est avec nous, c'est-à-dire Allah va nous faire triompher, Allah va nous aider, Allah, ils ne pourront rien pour nous. Et ceci, dans ce verset qui sera lu jusqu'à la fin des temps, ben, il ne concerne que, dans, à ce moment bien précis, dans la grotte, il ne concerne qu'Abu Bakr et qu'Omar. Personne d'autre n'était avec eux. Dans cet accompagnement particulier, Abu Bakr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Il y avait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Hein? Et donc, dans ce moment, hein, il y avait l'aide d'Allah Azza wa Jalla avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher, huma, tous les deux. Hein? Et personne d'autre parmi les compagnons n'était avec eux. Ceci est particulier. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه فقال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا رواه البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتلك المنقبة أنه رضي الله عنه كان ثاني اثنين، ثالثهما رب العالمين، ناصرهما الله سبحانه وتعالى، مؤيدهما الله سبحانه وتعالى. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس بن مالك dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dit que Abu Bakr al-Siddiq lui a dit je regardais, c'est-à-dire quand ils étaient dans la grotte, je regardais les pieds des associateurs, ils étaient au-dessus de nos têtes, hein? Et j'ai dit ya Rasulallah, si quelqu'un se baisse et regarde entre ce qu'il y a entre ses pieds, ben il va nous voir, il va nous voir. Rasulallah lui a dit oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu crois dans deux leur troisième si Allah Azza wa Jal, deux dans, le, dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala les garde, Allah subhanahu wa ta'ala les fait triompher, Allah subhanahu wa ta'ala est le rallié. Et ce hadith contient la place importante qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et ceci est clair dans ce hadith. C'est le deuxième avec le prophète alayhi salatu wasalam, et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala les protégeait et les a fait triompher. كذلك هو الذي رضي الله تعالى عنه وارضاه قدم نفسه وماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est lui. Devons apprendre aussi à être la générosité comment il doit être et dépenser pour le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et lui, c'est l'un des meilleurs exemples et le summum de ceux qui ont mis tout ce qu'ils avaient, leur temps, leur vie et leur fortune entre les mains de Muhammad alayhi salatu wasalam. Et pour faire triompher cette religion, et pour faire triompher le message d'Allah, Azza wa Jal. An Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال, خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس, وقال, إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده, فاختار ذلك العبد ما عند الله, فبكى أبو بكر, فعجبنا لبكائه, أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. هذه شهادة الصحابة. وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته. وهذه منقبة عظيمة. من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. كل الأبواب تغلق إلا بابه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يقول أهل العلم أنه في دليل على خلافته وأنه أول هو الذي يجب أن يكون أول خليفة للمسلمين. أبي سعيد الخدري دونسكي غابورتي بار إمام البخاري رحمة الله عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غفين خطبة إلى دي الله سبحانه وتعالى أدوني لشواء لن دو سي سيرفيتور entre ce bas monde et ce qu'Allah Azza wa Jal. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal. Abu Bakr Siddiq a pleuré. Les compagnons, ils ont été étonnés. Pourquoi Abu Bakr Siddiq pleure? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam annonce comme quoi un serviteur a reçu le choix min Allah Azza wa Jal s'il veut rester dans ce bas monde ou là aller vers auprès d'Allah Azza wa Jal et aller vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Et celui qui a reçu ce choix, c'était Mohammed alayhi salatu wasalam. Et celui qui l'a compris, c'était Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et il a pleuré. Et les compagnons, eux, attestent. Ils disent, Abu Bakr, c'était celui qui savait le plus, qui avait le plus de science parmi nous. Il a tout de suite compris, radiallahu ta'ala anhu. Que le choix, l'être humain qui a reçu ce choix, ce serviteur qui a reçu ce choix, c'est Mohammed alayhi salatu wasalam. Et il a dit, radiallahu ta'ala, il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et regardez là aussi, parmi les personnes qui m'ont comblé de leurs bienfaits, et auxquelles je dois beaucoup, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, par sa compagnie, par sa fortune, tout. Et si je devais prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr Siddiq, ami intime. Mais votre ami, أكم أنتم الله عز وجل ولكن صاحبكم خليل الله الرسول صلى الله عليه وسلم سنم ينتم سي الله عز وجل mais tout simplement il a dit pour ce qui concerne Abu Bakr Siddiq la fraternité de l'islam l'amour en l'islam et il a dit رضي الله صلواته ربي وسلامه عليه que toutes les portes de la mosquée se ferment sauf celle d'Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه وارضاه sauf celle d'Abu Bakr Siddiq. Les hommes de science retiennent de ceci que ça, c'est un signe qu'on croit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam désigné pour la khilafa après lui de la communauté. Que ce soit le premier khalif de cette communauté. Fi hadha al-hadith fadilatu li Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu haythu kana a'lam as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in a'lam as-sahabati bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bima yaquluhu alayhi as-salatu was-salam فقد فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه المراد بالعبد المخير وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى حزنا على فراقه وانقطاع الوحي. Dans ce hadith te montre les vertus, l'honneur et cette grande place qu'avait Mohammed Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه وارضاه. Et la grande science qu'avait Abu Bakr Siddiq et que c'était le plus grand savant parmi les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et qu'il comprenait, que c'était lui qu'il comprenait au mieux la parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a compris tout de suite que ce serviteur qui a reçu le choix, que c'était Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il a pleuré par la séparation qu'il allait y avoir avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Et par le fait que la révélation va se couper après. Radiallahu anhu wa arda. Wa fi hadha al-hadith aydan fadilatun li Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Faqad bayyana alayhi salatu wassalam. أنه لو صلح أن يتخذ أحدا من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر دون سواه وقال صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله وهذا أخرجه إمام الترمذي رحمة الله عليه Et dans ce hadith aussi, il y a, tu montres aussi les vertus d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous disait que si il avait à prendre un intime, un ami intime, il aurait pris comme ami intime Abu Bakr Siddiq. Et pas quelqu'un d'autre, Abu Bakr Siddiq. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, tout un chacun qui nous a fait un bien, nous avons pu le récompenser et lui retourner son bien. Et le remercier pour ce qu'il nous a fait. Sauf Siddiq, sauf Abu Bakr Siddiq. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala seul va leur récompenser. C'est-à-dire que tout le bien qu'ont pu faire les compagnons vis-à-vis du prophète alayhi salam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a pu rendre la monnaie, hein? A pu les faire du bien vis-à-vis d'eux. Sauf Abu Bakr Siddiq, il a dit, Allah subhanahu, seul Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour ce qu'il nous a prodigué comme bien le jour de la résurrection. Et il a dit, il n'y a pas une fortune qui m'a servi plus que la fortune de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il dit, si j'avais à prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr Siddiq comme ami intime. Mais votre compagnon, il a mis intime d'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr Siddiq, أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال صلى الله فقلت من الرجال قال صلى الله عليه وسلم أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا هذا أبو بكر عمرو بن العاص demande au prophète عليه الصلاة والسلام il demande au prophète عليه الصلاة والسلام qui sont les gens qu'il aime le plus يا رسول الله qui sont les gens que tu aimes le plus il a dit عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه et عائشة c'est le fruit d'Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه وارضاه. Et il lui a dit, parmi les hommes, il lui a dit, Abouha, son père, Abu Bakr Siddiq. Et il lui a dit après, il lui a dit, Omar ibn al-Khattab, et après il a cité un certain homme, nom d'homme, d'autres hommes, d'autres compagnons. Mais il vient en priorité, Abu Bakr Siddiq parmi les hommes. Hein? Après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, wa Allah. Fahad al-Hadith, fihi tasrihun azim. ودلالة على عظم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر الصديق ثم عمر على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين dans ce hadith il y a une déclaration claire qui te montre les vertus de Abu Bakr الصديق رضي الله تعالى et de عمر et de عائشة que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il y a une preuve claire pour les gens de la Sunna de mettre en avant, hein, dans la noblesse et dans l'honneur, de mettre en premier, en priorité, Abu Bakr Siddiq et après Omar, sur tous les autres compagnons. Quand ils vont désigner ceux qui sont mieux, ben ils commencent par Abu Bakr et Omar. Hein, d'où tu te rends compte de l'état de perte de raison d'Yarrafida quand ils insultent Abu Bakr et quand ils insultent Omar Ridwallah alayhi. Et c'est pour ça, on a vu cet après-midi qu'il avait raison, Shabi. Quand il a dit Rafida, s'ils devaient être des animaux, ça serait des ânes. Et s'ils devaient être des oiseaux, ça serait des Raham. Raham, vous l'avez vu cet après-midi, c'est un aigle avec le ventre tout blanc et des taches noires sur le dos, etc. Mais il a un truc particulier. Il est insensé, il n'a pas de raison. C'est-à-dire, quand il a ses œufs quelque part, il se lève, il se vole, ben il n'arrive plus à retrouver le chemin vers ses œufs. Il a vidé vrai, Wallah. Comment on peut mettre en application cette religion? Comment comprendre cette religion si on insulte Abu Bakr et Omar et on les rend mécréants? C'est encore pire que ce racham qui ne sait pas revenir dans son nid. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الإيمان وهذه شهادة الذي لا ينطق عن الهوى يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الإيمان وقوة اليقين يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولم يكونا معه فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهم. هذه aussi cet éloge que fait الرسول صلى الله عليه وسلم à Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه. Et ce témoignage du prophète عليه الصلاة والسلام comme quoi Abu Bakr Siddiq, il est véridique dans sa foi, il a une force, certitude. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu warda, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, de nous dire, j'ai entendu le prophète alayhi salatu salam nous conter cette histoire. Il dit, alors qu'un berger était autour de son troupeau, tout d'un coup il y a un loup qui est venu attraper une brebis. Le berger l'a arraché, a sauvé cette brebis. Le loup s'est tourné vers lui, il lui a dit, hein, qui va la sauver de moi le jour où je serai son berger? Le jour où il n'y aura personne, c'est moi. Qui va la sauver à ce moment-là de moi, hein? Le jour où le berger, ça sera moi. Qui va la sauver? Et il leur raconte, il leur dit encore, un homme, il a monté une vache. C'est-à-dire, il l'a pris comme un dos d'un cheval. Et la vache s'est tournée vers lui, il lui a parlé, il lui a dit, je n'ai pas été créé pour ceci, mais j'ai été créé tout simplement pour labourer les champs. Hein? Les gens ont dit, gloire à Allah, subhanallah, comme s'il s'étonnait. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers eux et dit, moi je crois en ceci. Abu Bakr Siddiq y croit, ainsi qu'Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu wa ardahum jami'an. Ils n'étaient pas à côté de lui. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr y croit, Omar ibn Khattab y croit. Et ça, c'est un témoignage de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de la forte croyance et de la certitude d'eux, et de la véracité des croyances de Abu Bakr Siddiq et de Omar, et la force de certitude qu'ils avaient رضوان الله عليهم. فقال وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يؤمنان بذلك ولم يكونا في القوم عند حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال العلماء إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. الحديث تبروفه لونور et la place, et la haute place qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda, et qu'avait Omar aussi radiallahu ta'ala anhu wa arda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, alors qu'ils n'étaient pas dans l'assemblée, en quoi eux aussi croyaient à cet événement. Hein? Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a conté cette histoire à ses compagnons, il a attesté. Il leur a dit, Abu Bakr y croit, ainsi qu'Omar. Hein? L'imam Nawawi rahmatullah alayhi a dit, quand il a cité cette phrase, il a dit, les hommes de science ont dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci parce qu'il avait confiance en Siddiq, en Abu Bakr Siddiq et en Omar, et parce qu'il savait la véracité de leur foi, et parce qu'il savait la certitude, hein, la force de leur certitude, ridwanullah alayhim, et parce qu'il les connaissait, et parce qu'il savait qu'ils avaient une connaissance de la grandeur d'Allah azza wa jal, et qu'il savait la puissance d'Allah azza wa jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait ce qu'il voulait, il fait parler qui il voulait. Et ça te prouve, c'est une vertu apparente, et un honneur apparent, hein, une haute place qu'avait Abu Bakr Siddiq et Omar radiyallahu anhum jami'an auprès du prophète alayhi salatu wasalam. Kadhalika Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه وارضاه يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديقية وهي منزلة تأتي بعد منزلة الأنبياء وقبل منزلة الشهداء. وسي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم lui atteste comme quoi il est véridique, qu'il est à cette place, hein, du véridique, et c'est une place qui arrive juste après la place des prophètes عليهم الصلاة والسلام, et avant la place des martyrs. Les martyrs, les véridiques avant et les prophètes en haut. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف لا يكون كذلك وقد صعد عليه الصلاة والسلام على أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل فرجف فيهم أحد فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان وهذا رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. دل هذا الحديث على منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي وصديق، فقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الشريف. وكان علي رضي الله عنه يقول وكان علي رضي الله تعالى عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبي بكر من السماء، أي الصديق، أن هذا الاسم أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. إذنك Il y a de la place ici de l'autre côté. Hein. Et donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam attesté de la véracité d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et ça, c'est une énorme place. C'est une place juste après les prophètes et avant les martyrs, entre les deux. Dans ce verset dans Surat Nisa, verset 69, il dit « Celui qui oublie Allah à son messager, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et qu'il est bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. » Et ça ne peut pas être autrement. Un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam grimpe la montagne de Uhud, et avec lui, Abu Bakr, Omar et Uthman. Uhud bouge. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, calme-toi. Calme-toi, Uhud, sur ton dos. Il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. Le véridique en l'occurrence, Mohammed alayhi salatu salam, et deux martyrs, Omar wa Uthman radiallahu anhu marda. Le hadith, Abu Bakr, le véridique, et Omar et Uthman, les martyrs. Barakallahu fikum. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari. Ce hadith te prouve la place et les grandes vertus qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu marda. Et qu'il est véridique. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce terme, As-Siddiq. C'est pour ça que Ali radiallahu ta'ala anhu arda, il faisait le sermon par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le nom d'Abu Bakr du ciel. As-Siddiq, le véridique. Que ce nom, cette appellation lui est venue min Allah azza wa jal. Fa Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, alladhi ghadiba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadabe. وحذر أصحابه أن يؤذوه ولو بكلمة. أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم سمي en colère parce qu'il s'est mis en colère أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Parce qu'on l'a mis en colère الرسول صلى الله عليه وسلم. On l'a mis en colère أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère. Il s'est levé, il avertit ses compagnons. Il leur dit attention que quelqu'un fasse du mal à أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه زي جيتي أسي أكوتي دي بخوت عليه الصلاة والسلام تدنكو أغيف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى في إلى غتونيسي سون فيتمون دون با جسكا سكون فويي son genou. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أي خاصم فسلم أي أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر أعادها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أي من الغضب يتغير وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر فجتا على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم أعادها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي أعادها مرتين عليه الصلاة والسلام فما أودي بعدها رضي الله عنه وارضاه عليه الصلاة والسلام أجي Votre compagnon s'est disputé avec quelqu'un. Il est arrivé, il a sallam ala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh, ya Rasulallah, j'avais un problème entre moi et Abu Bakr et Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et j'étais le premier qui avait commencé le problème, mais je l'ai regretté. Et j'ai demandé à Omar de me pardonner. Il n'a pas accepté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, ya Abu Bakr al-Siddiq, il l'a répété trois fois. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Et Omar a regretté. Donc il est allé directement à la maison d'Abu Bakr al-Siddiq, il ne l'a pas trouvé chez lui. Et Omar s'est dirigé vers le prophète alayhi salatu wasalam. Il est venu, il a salué le prophète alayhi salatu wasalam. Et à ce moment-là, au moment où il a salué le prophète alayhi salatu wasalam, le visage du prophète alayhi salatu wasalam commençait à changer de colère. Et tout se remarquait sur le visage du prophète alayhi salatu wasalam. S'il était réjoui, ça se voyait sur son visage. S'il était en colère, ça se voyait sur son visage. Son visage a changé à tel point que Abu Bakr Siddiq a eu pitié de cette situation. Il s'est mis sur ses genoux devant le prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, c'est moi qui étais injuste. Il l'a répété deux fois. Ya Rasulallah, c'est moi qui étais injuste. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé vers vous et vous avez dit, tu as menti. Et Abu Bakr Siddiq a dit, il a dit vrai, il est véridique, il m'a pris comme véridique. Et il était avec moi moralement et matériellement. Est-ce que vous allez laisser tranquille mon compagnon? Est-ce que vous allez laisser tranquille mon compagnon? Il l'a répété deux fois. Et après cet événement, cet incident, plus personne n'a osé après faire quoi que ce soit à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala ou déranger Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu warda. فالحافظ رحمة الله عليه في الفتح يقول في هذا الحديث من الفوائد فضل أبي بكر الصديق على جميع الصحابة رضي الله عنه وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه إذن celui qui a الحافظ بن حجر dans son interprétation de Sahih al-Bukhari dit dans ce hadith il y a beaucoup de points à retenir. Parti que de ces points, les vertus, la place importante qu'avait Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, sur tous les autres compagnons. C'est que celui qui est plus bas ne doit pas mettre en colère celui qui est plus haut que lui au niveau des vertus. Fa Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, yashhadu lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jannah. Abu Bakr Siddiq, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui atteste le paradis. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأوثنتيك أبو بكر est au paradis ainsi que عمر est au paradis. Il a commencé avec qui? Par Abu Bakr. Abu Bakr est au paradis. Omar est au paradis. Uthman est au paradis. Ali est au paradis. Talha est au paradis. Zubair au paradis. Abdurrahman ibn Auf au paradis. Saad ibn Abi Waqqas au paradis. Saïd ibn Zayd au paradis. Et Abu Ubaida ibn al-Jarrah au paradis aussi. Et عن Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه أخبر أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كن أكونن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا. فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فذبع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. Voici maintenant aussi ce que nous rapporte Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il dit, quand il nous annonce comme quoi il a fait le dos chez lui, il est sorti. Et il a dit, aujourd'hui je vais rester auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais rester toute ma journée auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il est venu à la mosquée, il a demandé où est le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, il est sorti, on lui a montré la direction qu'il a pris. Et il a suivi ses traces. Il a vu, il a trouvé dans une petite ferme, hein, qui s'appelle Be'er Aris, petit jardin, avec un muret et une porte en palme de palmier. Et il a attendu que le prophète alayhi salatu wassalam fasse ses besoins. Et une fois que le prophète alayhi salatu wassalam a refait le dos, il est allé le voir. Et il l'a trouvé assis sur le puits, au bord du puits, et ses pieds rentrer dans le puits, comment on peut dire? Non, pas dans l'eau, il est juste suspendu comme ça. Assis sur le bord, et les pieds suspendus directement pour avoir la fraîcheur qui monte du pied. Hein? Qui monte vers le corps et vers les pieds. Hein? Et donc, Rasulullah s.a.w. a pris cette position-là, et il a relevé son lézard de ses mollets, sur ses mollets. Il lui a fait salam, et il est parti, et il est resté à côté de la porte. Il a dit, aujourd'hui, je vais être le gardien de la porte du prophète, alayhi salatu wassalam. Je vais être le planton. Hein? Et Abu Bakr Siddiq est arrivé. Il a dit, qui c'est? Il est resté derrière la porte. Qui c'est? Il a dit, Abu Bakr Siddiq. Il a dit, attends. Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Abu Bakr Siddiq demande l'autorisation. Il lui a dit, donne-lui l'autorisation. Hein? Et annonce-lui le paradis. Laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis. Abu Moussa est venu vers Abu Bakr Siddiq et lui a dit, rentre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'annonce le paradis. Abu Bakr Siddiq est rentré, il s'est assis sur la droite du prophète alayhi sallam. Il a fait comme il a fait le prophète alayhi sallam. Hein? Il a pris la même position, il a fait la même position que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Moussa al-Ash'ari est revenu vers la porte, il est resté derrière la porte. Hein? Et il faisait un dua pour que son frère le rejoigne là-bas. Pour qu'il puisse avoir aussi le doigt du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Il voulait que son frère, lui aussi, qu'il a laissé à la maison, qu'il vienne et qu'il frappe et qu'il demande l'autorisation pour être aussi faire partie de ceux à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam annoncera le paradis. Il dit, فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه وارضاه. فجئته فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاءه من الشق الآخر قال شريك قال سعيد بن Musayyib, fa'awwaltuha quburahum. Et quand il est revenu à la porte, qu'un homme est venu secouer la porte pour rentrer. Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit, qui c'est? Il a dit, Omar al-Khattab. Il lui a dit, attends. Il est allé voir le prophète, alayhi salam, lui a dit, il y a Omar al-Khattab qui est à la porte. Il lui a dit, autorise-le à rentrer et annonce-lui le paradis. Et annonce-lui le paradis. Il vient voir Omar al-Khattab, il lui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit de le rejoindre, mais... Omar. Il lui dit, il y a Omar, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis de les rejoindre et il t'annonce le paradis. Il est arrivé, il a fait de même. Abu Bakr Siddiq était sur la droite du prophète alayhi salatu wasalam au bord du puits. Omar ibn al-Khattab est venu à sa gauche. Radiyallahu anhu wa ardahum. Et il a dit, je suis revenu. Et j'ai fait dua. Que si Allah veut le bien pour telle personne, c'est-à-dire pour son frère, qu'il le ramène maintenant. Et tout d'un coup, il entend encore quelqu'un bouger la porte. Il dit, qui c'est? Et c'était Uthman ibn Affan. Il lui a dit, attends. Il est allé voir le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, il y a Uthman qui est derrière la porte. Il lui a dit, autorise Uthman à venir le rejoindre et annonce-lui le paradis avec une fitna qui va lui arriver. Avec une fitna qui va lui arriver. Et il est rentré. Quand Uthman ibn Affan est rentré, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était là. Abu Bakr Siddiq était à sa droite et Omar ibn Khattab était à sa gauche. Donc en général, autour du pied, c'est un cercle comme ça. C'est un petit muret qui fait un cercle en forme de cercle. Il n'y avait plus de place. Et là, Uthman ibn Affan s'est mis en face. Et quand on a demandé à Sharik comment il l'interprète, il a dit ce sont leurs tombes. Et la tombe de Uthman ibn Affan, où est-ce qu'il est? Il fait face de l'autre côté, il est dans le baqi'a. Omar ibn Khattab, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam au milieu, à sa droite, Abu Bakr Siddiq, et à Omar ibn Khattab à sa gauche, et Uthman radiallahu ta'ala, nous, il fait face à leur tombe là-bas dans le baqi'a, dans le cimetière. Ouais. Omar, ouais. Sur la même ligne. Ah ouais. Donc là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans la tombe, dans la maison de Aïcha, et à sa droite, Abu Bakr Siddiq, et encore à la droite d'Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Barakallahu fik. Fahad al-hadith. فيه التصريح بفضل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ودل على أن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة ولجلوسه على يمين المصطفى عليه الصلاة والسلام فماذا يقول الذي يقول سبوا صنم قريش ماذا يقول وهو ليس لا لم يبشر أحد بالجنة وإنما فضحه الله سبحانه وتعالى بأن أسقط جثته وكشف عورته أمام الملأ الأعلى رآها الناس في العالم كله ويقول سبوا سنم قريش أبا بكر وعمر وماذا يقول الذين كانوا يقهرون المسلمين من العبيديين يجعلون عندما يرون قط ميت أو كلب ميت جيفة كلب أو قط فيجعلونها كالصليب فوق مسجد أهل السنة وعندما يريد المسكين من أهل السنة أن يدخل المسجد يقول لهؤلاء الخبثاء سب هذا أي سب عثمان هؤلاء كيف يمكننا أن يحظون برضوان الله سبحانه وتعالى دونك إن شاء الله لسيغ كو بيسي غاردي لو كالم بارك الله فيكن لسيغ إن شاء الله راه ماشي الحمام هذا راه السوق تقاد قبيلة لو مارشي سي تيرميني توت الوغ ميدي Donc, dans ce hadith, tu as une déclaration claire des vertus des trois compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Des vertus claires et qu'ils ont reçu l'éloge min Allah azza wa jalla de son messager alayhi salatu wasalam. Abu Bakr, Omar, Uthman. Il te prouve que aussi Abu Bakr, c'est le premier de cette communauté. Hein? Parce que quand il est arrivé en premier et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Que ce soit dans le hadith d'Idis ou là dans ce hadith. Le premier qui est cité dans l'annonce du paradis. Hein? Parce qu'il était assis à côté, à la droite du prophète, alayhi salatu wasalam. Maintenant, de là, tu comprends que ceux qui insultent Abu Bakr Siddiq, ils n'ont pas de raison. Et celui qui a dit qu'il faut insulter les deux statues de Quraysh, voulant par-ci à Abu Bakr et Omar. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'afdah devant l'humanité entière. Il transportait son cadavre et tout d'un coup, ses parties intimes se sont montrées à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala l'afdah dans la dunya avant le delà. Là, tu te rencontres. Ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, on ne peut pas arriver à la terre qui tombe de leurs chevilles. On rencontre aussi la situation dangereuse dans laquelle était l'Ubaydin, akhzahumullah, ces batinites. Qui, des fois, ils trouvaient, que ce soit en Égypte, là qu'on était sur les pays du Maghreb, ils trouvaient le cadavre d'un chat ou là d'un chien, ils le mettaient comme forme de statue sur un roseau. Et quand le pauvre musulman de Al-Sunna ou Jama'a arrivait pour rentrer dans la mosquée, il lui disait « Insulte Uthman ». Ainsi ils étaient et ainsi ils sont. Il ne faut pas se faire avoir. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose, la Hizbullah, on est en train, les gens sont en train d'applaudir. « Akhal Islam, réveille-toi. Là, toi, tu es l'ennemi numéro un de Hizbullah. Toi, en tant que sunni, tu es impur pour eux. Même si tu te laves mille fois. Hizbullah, ce n'est que la continuité d'Al Rafida. Il lit ton histoire, frère en islam. Amal, c'est la mère nourricière. C'est celle qui a donné naissance à cet enfant qui est Hizbullah. Et Amal, c'est elle qui a fait le massacre de Sabra et Shatila en 82. Et qui a massacré les Palestiniens. Ils sachent qu'ils n'ont d'autres ennemis sur cette terre que les gens de la Sunna. Ne te laisse pas avoir par les juifs par-ci, les juifs par-là. Le premier ennemi, c'est moi et toi. Le premier ennemi, c'est les gens de la Sunna. Et quand ils vont avoir le pouvoir, ils vont exterminer tout. Khomeini, dans une assise, et ce livre, je vous conseille de le lire, qui est là-bas, d'en prendre un exemplaire et de le lire. Allez, en privé, qu'est-ce qu'il a dit à des hommes qui étaient proches de lui et qui sont des savants. Il a dit, dans une assise privée, il est temps maintenant de purifier le haramain de l'impureté des Wahhabiyin. Et de remettre la Qibla à Qom. Ainsi, akhal Islam, il ne faut pas qu'on se fasse avoir parce qu'il jette un missile par-ci ou par-là sur les juifs ou là quoi que ce soit. Ne te fais pas avoir, akhal Islam. Non, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse les injustes par les injustes. Mais on ne doit pas se faire avoir et applaudir à tous les coins de rue aux ennemis d'Abu Bakr Siddiq et de Omar et de Uthman et les ennemis de tous les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. On est une communauté qui ne doit pas être gérée par ses sentiments. Nos sentiments doivent être gérés, doivent être conditionnés par la parole d'Allah Azza wa Jal et par l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et les ennemis d'Allah resteront les ennemis d'Allah. Et les ennemis de Mohammed alayhi salatu wasalam resteront les ennemis de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et les ennemis d'Abu Bakr et de Uthman et de Ali et de Omar et de Muawiya et de tous les compagnons resteront toujours, doivent rester toujours les ennemis de ces nobles compagnons. On doit les prendre comme ça. C'est pour ça que l'imam Tahawi rahmatullah a dit, aimer les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam fait partie de la religion, fait partie de la foi et de la bienfaisance. Et les détester, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la mécréance, c'est dépasser ses limites. On ne doit pas se faire avoir par nos sentiments à l'islam. Nos sentiments doivent être conditionnés par la législation. On ne doit pas applaudir derrière tout un chacun. Là, il y a à l'islam. Nous devons revenir à la voie sur laquelle étaient nos plusieurs d'Allah Alem et avoir cette législation comme c'est elle qui pèse les choses pour nous et qui nous montre la voie et le faux et le vrai à l'islam. وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وقال من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله وهذه منقبة زائدة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé les portes du paradis, il a dit celui qui fait partie des gens de la prière va être appelé et va rentrer par cette porte de la prière. Et celui qui fait partie des gens d'El Jihad, ben il va être appelé par cette porte d'El Jihad. Et celui qui fait partie des gens de l'aumône, ben il va être appelé, il va rentrer par la porte de l'aumône. Et celui qui fait partie des gens du jeûne, ben la même chose, il rentrera, il sera appelé par la porte du jeûne. Et celui qui... Hein? Et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu warda, il dit, est-ce que quelqu'un va pouvoir rentrer de toutes ces portes, ya Rasulallah? Il a dit, oui. Il a dit, j'espère que ce soit toi et Abu Bakr. Et ça, c'est encore une éloge. Abu Bakr Siddiq. Et j'espère que ce soit toi, ya Abu Bakr Siddiq. Et ça, c'est un dua, min al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le dua du prophète alayhi wa sallam sont exaucés min Allah azza wa jal. فهذا الحديث دلنا على فضيلة ومنقبة فضيلة ومنقبة غالية للصديق رضي الله عنه وارضاه. تضمنها قوله عز وجل صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم واقع محقق. وفي هذا دلالة واضحة على فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته عن أبواب الجنة وسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. Et ce hadith prouve la noblesse et l'honneur qu'avait et cette haute place qu'avait le véridique radiyallahu ta'ala anhu warda. Et ceci est contenu dans la parole du prophète alayhi salam. Et j'espère que tu seras parmi eux, ya Abu Bakr Siddiq. Et ça, c'est un dua. Il n'y a aucun doute que ça sera exaucé min Allah azza wa jal. Et ça te prouve cette place et cette honneur qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans sa lunia, en parlant des portes du paradis, il a dit, et l'être humain sera appelé de ces portes toutes quand il aura la foi complète. Et parmi ceux-là, ce sera Abu Bakr Siddiq, radiallahu, car c'était lui, celui qui était le khalifa de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec le Coran. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, anhu warda, kadhalika, min sibaqina ila al-khayrat. Yaqulu Abu Huraira, radiallahu ta'ala, anhu warda, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Qala Abu Bakr, ana. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن دعا منكم اليوم مريضا فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا كذلك شاهد من شواهدي من مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنه صراع إلى الخير. هذا الحديث اشتمل على فضاء الظاهرة للصديق رضي الله عنه فإنه كان سباقا إلى فعل الخيرات التي تقرب العبد من الجنة وتزحزحه عن النار. Et aussi Abu Bakr Siddiq faisait partie de ceux qui accouraient vers le bien. Le premier qui accourait vers le bien et accomplir les actes qui vont lui ramener l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Abu Hurayra رضي الله تعالى عنه وارضاه disait un matin, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, qui aujourd'hui est en jeûne? Qui jeûne aujourd'hui? Abu Bakr Siddiq a dit, c'est moi. Il dit, qui aujourd'hui a suivi un mort et a été à l'enterrement d'un mort? Abu Bakr Siddiq dit, c'est moi. Et qui aujourd'hui a nourri un pauvre? Abu Bakr Siddiq dit encore, moi. Et qui aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr Siddiq a dit, c'est moi. Rasoul الله صلى الله عليه وسلم a dit, ces choses, quand ils se réunissent chez quelqu'un, ben il rentrera au paradis. Ces choses, quand ils sont réunis chez quelqu'un, ben il rentrera au paradis. Encore une éloge de la part de Mohammed alayhi salam. Et ça te prouve aussi comme quoi Abu Bakr Siddiq a couru vers le bien. A couru vers le bien et toute forme de bien. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala nous shahida sahabatu bil khayriyati lahu wal fadli alayhi. Yashhadu sahabatu rasulillah biannahu afdaluhum wa biannahu akhyaruhum. Les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam attestent comme quoi Abu Bakr Siddiq c'est le meilleur parmi eux. Et qu'il est le plus noble et qui est le meilleur entre eux. Yaqul ibn Umar radiyallahu anhu, كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هذا الحديث دلنا على أن أفضلية أبي بكر كانت ثابتة في أيامه عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهم، دي à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام on disait qui était le mieux à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام qui était le mieux parmi les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. دي ومتي à la tête أبو بكر الصديق، يا بخي أبو بكر الصديق ومتي عمر بن الخطاب، يا بخي عمر ومتي عثمان رضي الله عنه. Ainsi, alors que le prophète était vivant, et ainsi il mettait en avant Abu Bakr, Omar et après Uthman. Ce hadith te prouve la valeur et la place qu'avait Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et que ceci était confirmé. Durant la vie de Muhammad alayhi salatu wasalam, il était le meilleur de cette communauté et le meilleur des compagnons, et que c'est le meilleur des humains après les prophètes alayhi salatu wasalam et après notre prophète alayhi salatu wasalam. قال الحافظ رحمه الله قوله كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول فلان خير من فلان. الحافظ دانتخبرت cette phrase كنا نخير، c'est-à-dire on disait qui est le mieux. Il a dit on disait telle personne est mieux que l'autre, etc. وفي رواية عبيد الله بن عامر في مناقب عثمان كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. وقوله لا نعدل بأبي بكر أي لا نجعل له مثلا. ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره عليه الصلاة والسلام. Donc, et dans la version de Ubaydullah ibn Umar, dans les vertus, c'est les vertus de Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, il dit, Abu Bakr Siddiq venait toujours en priorité. On mettait personne à pied d'égalité avec Abu Bakr Siddiq. Et après, on mettait Umar, et après Uthman, et on laisse les autres compagnons du prophète, alayhi salam, comme ça. On mettait en haut de la pyramide Abu Bakr. Viens Omar, viens Uthman, radiallahu ta'ala, anhu warda. Et dans la version de Abu Daoud, de la voix de Salim, an ibn Omar, il dit, on disait, à l'époque, alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, était vivant, que le meilleur de la communauté de Muhammad, alayhi salatu wasalam, après Abu Bakr, c'est Omar et Uthman. Et il disait dans la version d'Al-Tabarani, et le Rasul, sallallahu alayhi wasalam, entendit ceci, il le confirmait. C'est-à-dire il disait pas non. C'est-à-dire que le fait que le prophète alayhi salam se taisait, c'est-à-dire c'est une approbation. Il approuvait ce classement de la part des compagnons de Mohammed alayhi salam. Fi al-hadith dalla ala anna Abu Bakr afdal al-khalq ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, comme هو مذهب اهل السنه والجماعه. Ce hadith nous prouve que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda, il est le meilleur de la créature après le prophète alayhi salatu wasalam. Et ça, c'est la voie et c'est les croyances des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur cette sunna. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشهد لأبي بكر بذلك عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. Et voici maintenant le prince des croyants Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Il atteste comme quoi il atteste de la grandeur et comme quoi Abu Bakr Siddiq est le premier de cette communauté. Muhammad ibn al-Hanafiya disait, je disais à mon père qui est le meilleur des gens après le prophète alayhi salatu wasalam. Il disait, Ali radiallahu ta'ala lui répondait, c'est Abu Bakr. Il dit, et après c'est qui? Il dit, Omar. Il dit, j'avais peur qu'il dise Uthman, et je lui dis, et toi? Il dit, moi je ne suis qu'un parmi les musulmans, un musulman parmi les musulmans. Hada Ali qui parlait ainsi. Je ne suis qu'un musulman parmi les musulmans, radiallahu anhu wa arda. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله عنه أجمعين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لسميت الثالث. فالفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه le deuxième homme de cette communauté c'est Abu Bakr, c'est notre maître et il a libéré notre maître, notre noble qui a libéré l'autre noble, hein. Il ne veut lui parler de qui, de Bilal. Il a été libéré par Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه وارضاه. Ali رضي الله تعالى عنه il dit, le meilleur de cette communauté après son prophète عليه الصلاة والسلام c'est Abu Bakr. Et le meilleur après Abu Bakr, c'est Omar. Et si je veux, je vais vous citer le troisième. Et si je veux, je vous cite le troisième. Il ne l'a pas cité dans cette version. Qui est chez l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Fahada, ikhwata al-islam, indalla ala shay. Innama yadullu ala anna as-siddiqa wa afdalu an-nasi ba'da al-anbiya. Wa afdalu hadi al-ummati ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça prouve quelque chose. Ça nous prouve tout simplement, hein, avec tous les versets que nous avons vus, toutes les hadiths qui sont passés avec nous, ça te prouve que le véridique, Abu Bakr Siddiq, est le meilleur des gens après les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et le plus noble de cette communauté après Muhammad, alayhi salatu wassalam. فنسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب صحابة رسول الله وحب من يحبهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله